écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Soirée, événement. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et on en parle de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bas. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange le dindé Campa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. tout pile, eh bien, 13h35 minutes. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons de variétés différentes. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis un bon début de semaine. Oui, déjà, nous sommes déjà mardi, mais j'espère que tout cela se passe tout simplement. Voilà, donc on continue l'émission avec tout simplement déjà avec Boulevard Désert. Le titre s'appelle Emmène-moi et puis juste après une autre chanson différente avec Eros Ramazzotti. Sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. J'suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les ailes, aime-moi dans le vent. La quête, si j'ai laissé tomber, je suis comme empli d'espoir. Ce matin je renais, emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Voici donc mon pays avec Faudel et puis juste après Jennifer. Pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père, moi qui suis né près de Paris. Sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre, voyager des années entières, moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Mais seulement les embruns sous les rouleaux de l'océan. Et toi qui me trouves un peu mat pour ces rues bordées de prairies, un peu trop blanc en couleur de frat pour ces poèmes que j'ai appris, tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Des souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Le temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. et le souffle court au fond de ma rétine. Tu lis la nuit, le jour et mille carabines. Je me ferme. famille, mes potes, ils savent que je suis un homme. J'aime porter rien dans ma tombe, même pas une pièce, elle n'attend. Oh, bombe, je te crache mon album. Bombe, bombe, parfois je me saoule et j'écris. J'ai besoin de me faire entendre quand ça monte. J'ai plus de père, je fous que le monde, je me relève. Quand je tombe, j'appréhende le jour où mourra la daronne. Oh non, j'en tremble, je crains le pire. J'écris mes remords, accroché à chez l'or, je me fais des ennemis. J'ai mal à la vie, je me soigne au touchy. J'écris ma phobie de finir dans un coffre brûlé à vif. À moi c'est papy, c'est chaud, non, non, non, non. Souvent les jaloux se font des tas de films. Y'a trop de poussettes, de donneurs, de go, de balance cousine. Oh oui, parfois j'écris ce qui se passera en avance. Demande pas comment, c'est fou, je sais, non, non. Pour rien tu sautes, regarde à travers tu sautes. Plus au bénéfice tu sautes, tu veux être son amant tu sautes. Sors un 9000 tu sautes, à 6h du mat tu sautes. Même si t'as des doses tu sautes, t'as beau faire la prière tu sautes. Ouh la la la la la la la la. L'heure sur ma montre, hey, puis je commence à vieillir, je deviens agressif, donc je m'éloigne des coups de fusil. Si je suis comorien, je suis pas né dans le mi. Si, si, puis Marseille, c'est nous, qu'est-ce qu'il y a? J'écris trop profond, je vais me noyer dans le sang. Tonton, je fais le con, demain je suis là ou peut-être en prison. J'écris ma crainte, oui, de perdre mon contrôle. Face au mec de ma vie, j'écrase, voilà, je m'en. Résonne, moi je me questionne. Vas-y, dis si je déconne. Mentalité de la zone, je me livre franc, est-ce ma faute? Oh non, ça tu vas le dire à d'autres. Je suis marié à ces bâtiments de force et sans doute. Sans va, veux les vrais au comico. Perdre la mémoire, là j'écris, je suis seul. Je redoute les genoux viennent me voir. Quand je vois la terre, mère se déchirer à la canne dans le racisme. Pourtant, arabe noir, unissé ce que je vis depuis petit. On vient d'en frapper la NBA, oh, y'a des blancs, des jaunes, des braves et des crapules. Oh, on croit en Dieu et non pas à votre Big Bang, Inch'Allah. Qu'on finisse pas dans un sale état, c'est le drame. Voici donc deux titres portugais, puis on se retrouve juste après. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. Sur la colline d'Alcaçova, j'ai beau chercher, tu n'es pas là. Je t'appelle et tu ne m'entends pas. Au mur de la fac de Coimbra, j'ai collé des photos de toi, tellement reine, avec ces beaux yeux-là. Et au sein, je me sens comme perdu sans toi et bien puni d'avoir laissé seul tous ces mois. Et au sein, je me sens comme perdu, tu vois, et les étoiles d'Estella, les escaliers de Quebra Costas semblent avoir égaré ta trace. Je t'appelle et tu ne réponds pas. La nuit se lève, maintenant j'angoisse. Je tremble et ne tiens plus en place. Prie le ciel qu'il me guide jusqu'à toi. Et au Saint-Fi, je me sens comme perdu sans toi. Ligue-me, por favor, j'ai besoin de toi encore. Oh, amour, amour, amour, amour, j'ai peur que ce noir dans l'eau, amour, le goût de ton corps, comment l'oublier comme ça. Oh, amour, amour, amour, amour, c'est une mise à vie et pas un mort, qu'implore les étoiles à estelar. Amor, amor, amor, amor. Oh, amor, amor, amor, amor. Oh, amor, amor, amor, amor. Oh, amor, amor, amor, amor. Oh, amor, amor, amor, amor. J'ai peur que ce noir dans l'eau, amor, le goût de ton corps. Qu'implore les étoiles d'Estelar. Développez votre pensée, Christophe. Arc-en-ciel. Voici le groupe collectif Métissé. Coup d'euro. Danse à la fino, caliente cumbia. Hey! simplement Having Siskin About You, tout simplement avec l'onomite. Voici donc retour avec le morceau portugais. Il y avait un petit souci, c'est ça le direct. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Meu namorado mexeu na cana e eu... questa armonia. Io peguei o meu carro, peguei o fernet, minha cane o namorado. Comigo é viada e até levei em ouro. Cheguei a pensar em buscar o peixe todo. Sentei na tua linha, na terra a cana espetei. E de olho na linha vi uma coisa não lembrei. Meu namorado mexeu na cana e o peixe já picava. Eu mexeu na cana, sim, eu mexeu na cana, sim, eu mexeu na cana quando estava a picar. Eu mexeu na cana, sim, eu mexeu na cana, sim, não tinha ordem, pensou que não ia acordar. Eu mexeu na cana, sim, eu mexeu na cana, sim, eu mexeu na cana quando estava a picar. Voilà, donc on va changer de style de musique. Voici, je viens du côté du zouk. Que fez a danser, baby, baby. C'est la machine qui nous fait chanter. Nous tous les deux là pour assurer. Elles ont paré pour nous planquer. Fais à danser, baby, baby. Hey, sorti de travail pour décompresser. Vous dansez, à la soirée pour nous amuser. Amuser, les autres parlaient pour décompresser. Vous dansez, baby. À tout le monde chanter, à tout le monde crier. danser. À nos soirées, pour nous amuser. Amuser. C'est face à face qui fait autre danser. Pour danser. Bébé. En soirée, nous venir pour faire autre danser. Pour amuser. En pied. Décompressé. Elles sont parées pour décoller. Pas oublier, souci la vie. Nous qui allons. Allons en soirée. À danser, vous dansez, baby, baby, hey, c'est la machine qui nous fait chanter. Vous dansez, nous tous les deux là pour attirer. Amuser, elles apparaissent pour décompresser. Vous dansez, baby, à tout le monde chanter, à tout le monde crier. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. À tout le monde chanter. Ma plus belle fleur. Hey, hey, hey.

Voici donc bien les deux chansons différentes. C'est pour tout simplement Véro. Voici donc les deux titres. Chez moi, les poils se balancent et les toits grattent le ciel. Maison de poils sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups s'attendent aux portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour dévorer tes loups, tes gratte-ciels. Va pour détendre tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de fer. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en vent. Des caravanes et des voyages et des volets des clients. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lacs, tout le balançant. J'habite qu'on ne pense. quelque part. C'est la chanson qui a exaucé mes voeux, passeur d'émotions, sonneur de fleurs bleues. Accroche tes veilles et toi, ne la perds pas du cœur. Fais comme le peintre avec sa toile, invente des demain. Voilà donc, à partir de 19h jusqu'à 21h, eh vous allez retrouver l'émission de Christophe pour l'émission Electric Choc. Donc, pour demain. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. donc, et puis pour le matin, donc, et bien suivi avec Victor entre 9h jusqu'à midi avec le Portugal Festin. Et dans l'après-midi à 14h jusqu'à 16h, vous allez retrouver Gloria. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa Toujours. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Triam. C'est Denis du groupe Mes Souliers Sont Rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Et puis juste après Violette, c'est partir de tout simplement 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. On continue avec les chansons et je vous laisse avec Slimane, le titre des milliers que je t'aime. Plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, un monde qui nous dit d'arrêter, même dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers. je t'aime. Oh, so should it end today? Arc-en-ciel. S'appelle France Gall avec que des branches, tout simplement, et voici juste après Clara Raffini. Thank you. Son titre, la vie, c'est maintenant. Et puis juste après, Vanier. Ça n'allait pas. Le cœur s'est écoulé, les larmes. Ça m'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme. Sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi. Ça n'allait pas. Tu m'allies pas se changer d'air. Et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière. Et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu. Rire aux éclatants que j'ai vu. Ce que j'attendais d'une amie. Et tu m'as dit la vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. Pas de regrets. Dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant. Ça me va. C'est aussi ça. Un ami pour moi. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur. La tête ailleurs. La tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand. On dégomme la douleur. Mais c'est du cœur. Mais c'est du cœur. La vie c'est maintenant. C'était là que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude qu'on me remballe. Mais comme t'étais du sud, j'ai pris un mistral. Moi je voulais n'importe quoi tant que c'était avec toi. Même devenir ami, même conduire dans Paris. Faut pas faire des études pour être au courant que comme t'étais du sud, tu prenais ton temps. La fille du sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais là. N'importe qui. Puis on est devenu copains. Et copains c'est moins bien. Mais s'engueuler à deux, bah c'est mieux qu'à un. Avant toi c'était dur et froid comme la nuit. Mais comme t'étais du sud, t'as réchauffé ma vie. La fille du sud, quand elle avait froid, filles du Sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Anneaux plus tard, tant du papier d'argent, j'ai rangé notre histoire, ce mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent, comme tu venais du sud, était-ce un accident? La fille du sud.

passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Arc-en-ciel. Voici donc deux chansons portugaises. Oh, Je tente ma chance, moi. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Donna Summer. Voici la suite des émissions pour le jeudi. Donc voilà, à partir de 9h, et bien à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Armand Giraud avec Vase de Portugal. Juste en après-midi, en fin d'après-midi, vous allez retrouver à partir de 15h jusqu'à 17h Chantal avec Groove Tropical. Saint-Jean bem-vindos à Rádio Arc-en-Ciel. Estão à escuta da emissão Pausa Musical com a Sílvia, todos os sábados do meio-dia às 14 horas, no 96.2 FM. Música e boa disposição. Et bien donc, Sylvie, juste après, à partir de 20h jusqu'à 22h, avec Julien pour Noche Flamenca. Et bien ainsi, pour le vendredi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Lorenzo. Voilà donc la grille pour la semaine. Voici donc, eh ben, je vous laisse le titre. Ça s'appelle tout simplement Au sommet avec Kenji Girac. Et puis juste après lui, l'artiste. Chaque jour c'est le même combat, être plus heureux qu'hier. Cette main tendue quand je tombais. Mes cœurs ne souffrent qu'en hiver, n'attends pas l'été pour te tomber. Y'a des jours comme ça où tout va de travers. Un sourire, un soleil, quand tout s'assombrit. La vie m'est rassurée, des envies crevées. Ton sourire ce soir-là m'a sûrement sauvé. J'irai là-bas, là-bas, au sommet. Sans avoir vécu, peu importe qui on est, nos chemins sont tous tracés. De la folie au génie, dis-toi qu'il n'y a qu'une frontière. Tu verras la lumière au bout. Un sourire, un soleil, quand tout s'assombrit. Abîmé, harcelé, des envies crevées. Ton sourire ce soir-là m'a sûrement sauvé. J'irai là-bas, là-bas, au sommet. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama des KO. T'as les kata kamen au KO. Doucement, doucement, juste au KO. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama des KO. T'as les kata kamen au KO. Doucement, doucement, juste au KO. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Ça se voit. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, got you, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Alors ouais, je me raconte, ouais, ouais. Je... Elle s'appelle la chanson, s'appelle La Boulette avec Dianes. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bas, j'ai que le rap, mais je l'embarque, je l'embrasse, je le macaire, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mômes, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a doté nos codes, non, non. Génération, non, non. Comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, à te passer les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de pâte, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on est. fric dans les caisses de la Francia. Comme un goût de Démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de boum boum dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes soeurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est con, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Contactez le 02 38 43 48 00. Voici donc qu'elle s'appelle Alima avec Claquette Chaussette. Et puis juste après du disco. Ça sent l'été, je veux tout liquer. Barbecue en cité. Tous mes gars sont invités. Faut éviter de foutre la merde, ils vont nous soulever. J'sors avec des lettres hypothéra. Chicha posé sur la terrasse. Y'a les keufs dans les parages. Personne rentre, c'est nous qui faisons les barrages. Même en claquette, on est bien sapés. Pour la graille, on va se taper. Les merguez sont cramés, qu'est-ce t'as fait? Mais qu'est-ce t'as fait? En claquette, au calme. Sur mon transat, au calme. Plusieurs dans ma boca. Serre pas la main, t'es pas local. bitch. Come on, everybody, shake it now. 11 and 11 and 11 and 11 and 8. Come on and say I do. Come on and say you do. I'm just recording that track for all the bitches out there. They're shaking their ass out. I just don't care. I just don't care. La, la, la, la. I'm just recording a track for all the bitches out there. Shaking their ass like they just don't care. Ooh, I, they just don't care. They just don't care. Je vous laisse avec Phil Collins et puis juste après lui, on écoutera Robbie Williams. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Take me out.

passe se ressemble. Fiesta caliente entre amis. Chaque jour qui passe nous rassemble. À faire la fiesta, à s'aimer. Chaque jour qui passe se ressemble. Fiesta longue toute la nuit. Merci. un amour de la femme. Voici donc Colcut. Années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il repense aujourd'hui au petit, v'là 10 ans qu'il est parti? Toujours un esclave. Eh ben tu me vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini se faire des cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, son drapeau rouge, de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Ce méga mix 80 hits 80 qu'on va se quitter. Et oui, bien sûr, vers l'heure de l'émission touche bientôt à sa fin. Voilà donc, et bien déjà, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi à ma compagnie. On va se retrouver prochaine fois. Ainsi, on se retrouve donc, et bien, vendredi à partir de 13h30. Voilà, et donc, et bien, je vous dis bonne fin d'après-midi, bonne soirée et bonsoir. Un truc qui me colle encore au cœur et au

4 horas em Portugal continental e na Madeira, são 3 nos Açores.